ceux qui me pourrissent, moi je leur fais face. Chacun a son destin mais ne marche pas sur mes traces. Dévoilerai mes sentiments, elle me vient mais pas une tasse. Essaye de me faire couler et tu boiras la tasse. Akiroro est présent pour te prendre ta place. Insulte-moi pas ou c'est ta gueule que je casse. Des fois on dit que je suis vulgaire, mais tant pis ça passe. Comme un fantôme je suis à 110, c'est mon tour de passe-passe. Mon style c'est plus L.I.M. que Patricia Cash. Moi des fois je deviens ouf, un peu comme Jackass. Mes rimes te percutent comme une masse. Mon son si tu kiffes hop, bah tu te casses. C'est ma ligne de conduite, celle qui me fait prendre la fuite. J'avance et j'évite tous ceux qui me prennent la tête. C'est pas toujours la fête, mais personne ne m'arrête. Car moi je prends la fuite sur cette ligne de conduite. Eh les gars, faites pas vos restas. Arrêtez de vous la jouer en survêt costa. Ça se prend pour des héros, ça joue les Kaira. Mais toi t'es qu'un acteur qui tout seul fait pas le poids. Je veux rester fort et discret, c'est comme ça. Être connu sans être connu, tu vois. Pas de concert, tu me verras pas à l'Olympia. Je suis le rappeur de l'ombre, fais tous mes sons chez moi. Il faut pas grand chose, une instru, un mic et voilà. Tu peux me dire de changer, mais non je ne changerai pas. Tu peux foutre le darwa, tant que tu le fous pas chez moi. Faut les gros bras devant moi, mais non je ne tremblerai pas. C'est ma ligne de conduite, celle qui me fait prendre la fuite. J'avance et j'évite tous ceux qui me prennent la tête. C'est pas toujours la fête, mais personne ne m'arrête. Car moi je prends la fuite sur cette ligne de conduite. Eh garçon, je viens d'arriver, alors je compte pas repartir. Je serais bien que dans ce milieu, c'est pour le meilleur ou le pire. Je dégaine les mots comme un cowboy, mais c'est sur le rap je tire. Pensez ce que vous voulez, mais désolé, je sais pas mentir. Prends pas le rap comme un jeu, dans mes faces font pas rire. Eh poupée, poupée, tu veux peut-être que je te tire. Non, je suis trop élégant, je t'offrirai un royal tir. Quand t'es jeune et courageux, bah ça te fait peur de vieillir. Quand j'aurai un gosse, tu apprendrai à ne pas fléchir. Je dirais que dans ce monde, y'a trop de personnes qui veulent te nuire. Faut pas avoir que de la gueule, car il faut aussi agir. Garde bien la tête sous les épaules pour ne pas t'auto-détruire. C'est ma ligne de conduite, celle qui me fait prendre la fuite. J'avance et j'évite tous ceux qui me prennent la tête. C'est pas toujours la fête, mais personne ne m'arrête. Car moi je prends la fuite sur cette ligne de conduite. C'est ma ligne de conduite, celle qui me fait prendre la fuite. J'avance et j'évite tous ceux qui me prennent la tête. C'est pas toujours la fête, mais personne ne m'arrête. Car moi je prends la fuite sur cette ligne de conduite. C'est ma ligne de conduite, celle qui me fait prendre la fuite. J'avance et j'évite tous ceux qui me prennent la tête. C'est pas toujours la fête, mais personne ne m'arrête. Car moi je prends la fuite sur cette ligne de conduite.